Lors des précédentes émissions, nous avons vu que la mission du chrétien est d'être ambassadeur de Jésus-Christ ou encore ministre de la Nouvelle Alliance. Considérons aujourd'hui sa mission en qualité de témoin. De Jean-Baptiste, il est écrit « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Jean chapitre 1, verset 7. À ses disciples, réunis après sa résurrection, Jésus avait promis « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 1, verset 8. Un témoin est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut en faire le rapport. Les apôtres, Matthieu, Luc et Jean, par exemple, ont vu Jésus-Christ, ont entendu ses paroles, suivi son enseignement, assisté à sa crucifixion, constaté sa résurrection et son ascension dans la gloire céleste, et ils en ont fait le rapport dans les évangiles. Mais, direz-vous, justement, moi, je n'ai pas vu Jésus-Christ. Je ne peux donc pas être son témoin. C'est là qu'intervient la foi, mes chers auditeurs. En effet, selon la définition biblique, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. J'espère que Dieu existe, mais seule la foi m'en donne la ferme assurance. Je ne vois pas Dieu. Personne d'ailleurs ne l'a jamais vu. Mais la foi me donne la démonstration de son existence et de sa toute-puissance. Une foi personnelle, bien sûr, et non pas une croyance collective. Une question se pose alors. Comment acquérir la foi sans laquelle, nous dit par ailleurs l'Écriture, il est impossible d'être agréable à Dieu? Hébreux chapitre 11, verset 6. Pensez-vous pouvoir devenir un bon jardinier en vous plongeant dans le manuel du parfait mécanicien, ou espérez-vous comprendre quelque chose aux mathématiques modernes en étudiant la grammaire japonaise? Comportement ridicule, direz-vous. C'est hélas celui de beaucoup de nos semblables face au problème de la foi. Ils perdent leur temps à étudier une foule d'ouvrages religieux, philosophiques, littéraires ou scientifiques et négligent le seul livre véritablement spécifique de la foi, la Bible, qui est la parole même de Dieu. Elle seule peut éclairer l'esprit humain et répondre à toutes ces questions relatives à la foi. L'apôtre Paul est formel à ce sujet. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Nous voyons ainsi que la foi émane de la Bible même, de la parole de Dieu. Les deux sont indissociables. La Bible a justement été écrite pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Jean chapitre 20, verset 31. Non, Dieu ne se révélera pas à vous par des songes, des visions, des apparitions, des manifestations étranges ou des langues incompréhensibles, mais uniquement par la Bible, sa parole qu'il a rendue accessible à tout être humain. Nous avons déclaré que la Bible est la parole de Dieu. Nous précisons qu'elle l'est dans sa totalité, sans restriction d'aucune sorte. Et nous insistons sur le fait qu'il n'y a que la Bible qui soit véritablement la parole de Dieu. Avec les apôtres, nous confirmons qu'elle n'est pas le fruit d'une volonté ni d'une imagination humaine, 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21, mais qu'elle est toute inspirée de Dieu, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, qu'elle est vivante et efficace, Hébreux chapitre 4, verset 12, qu'elle ne peut être anéantie, Jean chapitre 10, verset 35, mais qu'elle demeure éternellement. 1 Pierre chapitre 1, verset 25. De même que Bible et foi sont liées, foi et témoignage le sont également. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Quand vous pourrez dire de toute la conviction dont vous êtes capable, « Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Il est mort pour moi sur la croix. Il est réellement ressuscité et vivant dans la gloire du ciel. J'en suis témoin. Alors, vous aurez vraiment la foi qui sauve. Vous serez un chrétien authentique, apte à remplir la mission de témoin que Dieu veut vous confier. Si nous revenons à ce qui est dit de Jean-Baptiste dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, nous voyons qu'il est précisé « Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Verset 8. Vous avez peut-être déjà remarqué dans certains procès des témoins qui aiment à se faire valoir. Se souciant fort peu de l'accusé, ils jouent les vedettes, cherchent à polariser l'attention des jurés et du public et quittent la barre très fiers de l'effet qu'ils ont cru produire. Qu'il n'en soit pas ainsi de notre témoignage, amis chrétiens. Jean-Baptiste ne se faisait pas passer pour la lumière, il ne jouait pas à la lumière, mais il rendait fidèlement témoignage à Jésus-Christ, la lumière du monde, afin que ses auditeurs laissent entrer cette lumière divine dans leur âme. Par ailleurs, vous savez que dans un procès, il y a des témoins à charge et des témoins à décharge. Un témoin à charge est un témoin qui accable l'accusé, qui témoigne contre lui, qui fait un rapport confirmant sa culpabilité. Jésus-Christ n'est-il pas le grand accusé de notre époque ? Et n'avons-nous pas été parfois, par notre caractère ou notre comportement, des témoins à charge à l'égard du Seigneur ? N'avons-nous pas ainsi majoré les accusations que nos semblables portent contre lui ? Comment ? Un tel se dit chrétien et il ose parler et agir de la sorte ? Jamais je ne croirai en Dieu. J'ai été trop déçu des chrétiens. Ce sont certainement des remarques que vous avez déjà entendues. Si quelqu'un parmi vous, mes chers auditeurs, avait à se plaindre des chrétiens, permettez-moi de vous demander, vous avez été déçu des chrétiens, mais l'avez-vous été de Jésus-Christ ? Le fait que vous ayez été déçu des chrétiens ne sera cependant pas une excuse suffisante lorsque vous comparaîtrez devant Dieu, car chacun rendra compte pour lui-même. Romains chapitre 14, verset 12. Que le Seigneur nous fasse la grâce, amis chrétiens, de ne jamais être des témoins à charge, mais toujours des témoins à décharge, plaidant de tout leur cœur et défendant de toute leur force la cause du Seigneur. Oui, Jésus-Christ est le grand accusé de notre époque. Certains l'accusent de ne pas exister, d'autres le rendent responsable de tout leur malheur. Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de guerres, de crimes, d'injustices, de misères. Est-ce là ce que vous pensez, ce dont vous vous plaignez ? Oui, il y a des guerres, des injustices, mais est-ce une raison suffisante pour mettre en cause l'existence de Dieu et sa toute-puissance ? Oui, vous avez eu des malheurs, vous avez beaucoup souffert, mais est-il juste d'en rendre Dieu responsable ? Laissez-le plutôt vous apporter son secours, sa consolation, sa paternelle sollicitude. Avant de terminer, je voudrais encore rendre hommage à une race de témoins qui force notre admiration et notre respect. Ce sont les témoins du Seigneur qui souffrent pour leur foi, qui sont traînés devant des tribunaux, jetés dans des prisons, torturés, et qui restent fidèles. Devant eux, nous nous sentons bien misérables. Ne les oublions pas dans nos prières. Et puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ceux-là et tous ceux qui nous ont précédés, patriarches, prophètes, apôtres, martyrs et tous les autres, rejetons, comme nous y invite l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection.